pas dans l'industrie, je marche pas sur des cadavrigos. Mais fais quand même belle éclepsie, ont peur de moi, je donne pas d'aribo. Visage triste et capuché dans la Lamborghini Gallardo. Je m'en tape des voitures que les riches achètent pour qu'on nous voit sucer leur ego. Jump dans la fosse si la vie t'a tapé. À part la pique, graver la mort, y'a rien qui m'a tenté. J'ai le dos de donkey, le temps s'est bombé. Je m'en fous de mon code postal, je n'ai qu'à couler ganté. T'es le meilleur par-ci, t'es le plus fort par-là. Tu me fais mal au crâne, tu ne fais que de parler. Je vais jamais m'inventer une vie, je veux pas satisfaire les causes de riches et puis tout l'UDC. Sous la cagoule, j'ai plus d'épiderme. Dans le dojo, je suis David Douillet, je suis Teddy Riner. Q dit la boca prima, que t'es la Qdo, yo mi rompi ma tuki, katso say. Who the fuck you is, you prick? You talking about things you don't know, this is not a trick. Je pourrais te le dire dans trois langues, mais je le fais pas parce que sinon vous croirez que je vous envoie des pics. Emoji flamme. Emoji flamme. Emoji flamme. J'ai dit emoji flamme. Emoji flamme. Emoji flamme. Emoji flamme. Emoji flamme. Dans ta story, je veux emoji flamme, je dis emoji flamme, je dis emoji flamme. Quand tu me retweets, je veux des emoji flamme, je veux des pistolets laser, des emoji flamme. Pose pas de questions, je veux des emoji flamme, je dis emoji flamme, je dis emoji flamme. Quand tu me retweets, je veux des emoji flamme, je veux des pistolets laser, des emoji flamme. Pose pas de questions, je veux des emoji flamme. Tu me parles de Zampa, je sais même pas qui c'est. J'ai grandi en caserne, les pompes, je les ai pas comptées. Je sais ce que je dis, mais je dirai jamais ce que je sais. Ramène tes sbires, vous allez tous vous faire gronder. Gros, vas-y, vous fatiguez. Chacun garde son buzz dans ma ville, y'a pas d'amitié. Mes rêves veulent pas que toi et moi on collabore. J'y peux rien, frérot, si t'es pas apprécié. Voilà, c'est réel. Comme idée, c'est réel. Le terrain est miné. Si je suis sûr, c'est terminé. Voilà, c'est réel. Comme idée, c'est réel. Le terrain est miné. C'est terminé. Emoji flamme. Emoji flamme. Emoji flamme. J'ai dit emoji flamme. Emoji flamme. Emoji flamme. Emoji flamme. Emoji flamme. Dans ta story, je veux emoji flamme. Je dis emoji flamme. Je dis emoji flamme. Quand tu me retweets, je veux des emoji flamme. Je veux des pistolets laser, des emoji flamme. Pose pas de questions, je veux des emoji flamme. Je dis emoji flamme. Je dis emoji flamme. Quand tu me retweets, je veux des emoji flamme. Je veux des pistolets laser, des emoji flamme. Pose pas de questions, je veux des emoji flamme.